Voyons maintenant l'autre mot pour dire « pour », qui est « por », P-O-R. On l'emploie, entre autres, lorsque l'on parle d'un échange, que ce soit d'argent ou autre. Ce « pour » peut alors être remplacé par « contre » ou « en échange de ». Donc, pouvez-vous me dire, en ne traduisant pas les « des », je peux changer des euros pour des dollars? ¿Puedo cambiar euros por dólares? ¿Puedo cambiar euros por dólares? Dans le même esprit d'échange, d'équivalence, por sert à exprimer un prix. Comment dira-t-on, d'après vous, il me le vend pour 10 euros? Me lo vende por 10 euros. Me lo vende por 10 euros. Si 45 se dit 45, littéralement 40 et 5, comment direz-vous « il me le donne pour 45 euros » Me lo da por 45 euros. Me lo da por 45 euros. Les autres nombres sont donnés dans le livret accompagnant cette méthode. Donc, si vous voulez continuer à vous entraîner avec « por », choisissez un autre nombre comme 15, 15 et créez une nouvelle phrase telle que « ils me l'ont laissé pour 15 euros ». Me lo dejaron por 15 euros. Vous avez maintenant tous les éléments en main. Continuons avec notre ami por. Por sert aussi à exprimer une cause. Donc si aimer se dit querer, Q-U-E-R-E-R, comment diriez-vous? Elle l'aime pour sa sincérité. Lo quiere por su sinceridad. Lo quiere por su sinceridad, car on sous-entend elle l'aime à raison de, à cause de, sa sincérité. Avec cet exemple, vous avez dû faire aussi une petite transformation. Sincérité, sinceridad. Sachant que punir se dit castigar, C-A-S-T-I-G-A-R, et qu'il est régulier, comment diriez-vous ils l'ont puni pour son insolence. Lo castigaron por su insolencia. Lo castigaron por su insolencia. Il a été puni à cause de son insolence. Dans le même ordre d'idées, il existe une expression très courante avec por. Il s'agit de por eso, qui signifie c'est pour ça que, et qui indique donc la cause, l'origine de quelque chose. Por eso n'est jamais suivi de que, même si l'on a en français c'est pour ça que. J'aimerais que vous me disiez c'est pour ça que je n'ai pas pu venir hier après-midi. Mais avant, faites attention à poder. C'est un verbe rebelle. Il devient au passé sans plongeoir. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis et pudieron. Donc si hier après-midi se dit ayer por la tarde, dites-moi, c'est pour cela que je n'ai pas pu venir hier après-midi. Por eso no pude venir ayer por la tarde. Eh oui, vous avez dans cette phrase de por pour le prix d'un. Por eso no pude venir ayer por la tarde. Comme vous le savez, hier après-midi se dit ayer por la tarde. Donc, comment direz-vous hier matin? Ayer por la mañana. Décidément, on retrouve por partout. Ayer por la mañana. Et comment diriez-vous, en utilisant le même modèle, hier soir? Tout à fait. Ayer por la noche. Très bien. Por sert aussi à indiquer une durée. Comment diriez-vous alors, en parlant d'une voiture que vous comptez louer? Je la veux pour 2 semaines. Lo quiero por 2 semanas. On a utilisé lo car, souvenez-vous, coche est masculin en espagnol. C'était un petit piège. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a une autre utilisation de por qui est très courante. Por signifie souvent par. On l'utilise par exemple lorsque l'on veut indiquer que quelque chose a été fait par quelqu'un, comme dans « Le livre a été écrit par mon ami ». En employant « fue escrito » pour « a été écrit », dites-moi « Le livre a été écrit par mon ami ». El libro fue escrito por mi amigo. El libro fue escrito por mi amigo. Mais comment diriez-vous? Mon ami a écrit le livre. Mi amigo escribió el libro. Mi amigo escribió el libro. Mi amigo redevient un acteur direct de la phrase et se place donc au début. On utilise aussi por dans les expressions telles que par habitant, par téléphone, par surprise, etc. Sachant que téléphone se dit téléphono, T-E-L-E, accent aigu, F-O-N-O, et surprise, sorpresa, S-O-R-P-R-E-S-A, dites-moi, il m'a dit par téléphone et par surprise qu'il venait demain. Commencez par, il m'a dit par téléphone, me dijo por teléfono, dites maintenant, et par surprise, qu'il venait demain. Y por sorpresa que venía mañana. Y por sorpresa que venía mañana. Redites toute la phrase. Il m'a dit par téléphone et par surprise qu'il venait demain. Me dijo por teléfono y por sorpresa que venía mañana. Me dijo por teléfono y por sorpresa que venía mañana. On utilise aussi por dans le sens de « dans ». Par exemple, « nous aimons nous promener dans les bois ». Se dira « nos gusta pasear por el bosque ». En utilisant « parque », P-A-R-Q-U-E, pour « parc », comment diriez-vous « j'aime marcher dans le parc ». Me gusta caminar por el parque. Me gusta caminar por el parque.